Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Rôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à tous. Parfois, assez souvent en fait, il y a de nouvelles formes ludiques qui émergent. Alors ça a été le cas il y a maintenant une quarantaine d'années avec le jeu de rôle et puis les jeux vidéo. Ça a encore bougé il y a moins de 10 ans avec l'émergence des jeux mobiles. Même si ça tient un peu du jeu vidéo, c'est quand même une forme nouvelle. Et puis on pourra en citer des tas d'autres comme ça, soit des approches radicalement nouvelles, soit des enfants illégitimes, souvent ravissants, de choses qu'on connaissait déjà bien. Aujourd'hui, avec notre invité, on va avoir le plaisir d'en évoquer une finalement très récente, les Escape Games. Pour ce faire, on a contacté un monsieur qui conçoit des jeux de toutes sortes, mais qui s'intéresse beaucoup à cette forme émergente. Il a fondé Miklo Studio, et vous le connaissez peut-être pour le redoutable Outzer. Notre invité est, vous l'avez peut-être deviné, le game designer Fibre Tigre. Bonjour Fibre Tigre. Alors bonjour, je fais quand même une petite précision, je n'ai pas du tout fondé Miklo Studio. Donc, Miklo Studio, c'est une société qui n'a rien à voir avec moi. Autant par contre, j'ai une société qui s'appelle Fibre Tigre, voilà. Je travaille avec la société Miklo et on fait plusieurs jeux top cool, notamment Out There, voilà, qui est un jeu sur mobile qui a bien marché, voilà. Qui, je crois, continue à bien marcher parce qu'il me semble qu'il y a des extensions qui. Oui, c'est notre hit, voilà. On a fait notre Born to Be Alive, voilà. On va essayer d'en faire un deuxième, éventuellement, mais pour se prouver que c'était pas la chance, on va dire, psychologiquement, mais ouais, on a eu beaucoup de chance que ça marche aussi bien. Et alors, à côté de ça, tu t'intéresses aux Escape Games. Est-ce que, pour commencer, on peut essayer de décrire, même si c'est jamais simple de décrire un genre de jeu, mais est-ce qu'on peut essayer de donner une rapide description pour les gens qui connaîtraient pas déjà de ce que c'est qu'un escape game, ce qu'on appelle aussi les escape rooms, je crois. Ouais, alors l'escape game, la définition traditionnelle, elle est un petit peu anxiogène. D'ailleurs, quand je la dis, les gens, ils ont tendance à dire, mais moi, je ferai jamais ça. Donc en gros, c'est vous payez, vous êtes avec des amis et on vous enferme dans une pièce. Et vous avez une heure pour en sortir, sachant que la clé, entre guillemets, puisque ça peut être clé symbolique, ça peut être un objectif, pour ouvrir la porte qui est fermée, elle vous l'obtiendrez après avoir résolu un certain nombre d'énigmes. Donc ça, c'est la définition stricte et un peu anxiogène. Il y a des définitions plus joyeuses qui sont de dire que c'est des mini-parcs d'attractions. Voilà, des séquences d'énigmes, c'est vous êtes toujours rêvé de participer à Fort Boyard, ben voilà, vous êtes dedans, vous êtes dans un petit Fort Boyard. Et d'ailleurs, il y a une pièce qui s'appelle Prisoners à Paris, rue Quincampoix, qui est vraiment très bien, une belle pièce d'initiation. Et les décorateurs, c'était des décorateurs de Fort Boyard. Ouais, toi, je savais pas que on pouvait mélanger Fort Boyard et Escape Room. En fait, c'est la question que je me pose avec les Escape Games, pour aussi redéfinir le genre. Qu'est-ce qui distingue, ou pas d'ailleurs, de la Murder Party, qui est un peu la version soft du jeu de rôle grandeur nature, en fait? Alors, la Murder Party, on a tous un rôle. Qu'on a parfois mémorisé à l'avance. Après, maintenant, il y a des murder parties un peu 2.0 où on peut arriver en un peu les mains dans les poches. La murder party, c'est un peu Agatha Christie, c'est-à-dire il y a un mec qui est mort et qui sait, et c'est quelqu'un dans la salle et il faut s'échanger, faire du jeu de rôle, interagir. Bon, là, on est plus dans les jeux comme Myst, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, où vraiment vous avez un univers exotique, des machines magiques, des illusions d'optique, des clés, des cadenas, voilà, vous devez non pas coopérer pour deviner qui est le tueur, mais vous devez coopérer pour tous ensemble pour sortir de la pièce, quoi. Moi, alors j'avais vu le lien effectivement avec Myst, mais surtout avec la série de jeux qui sont sortis sur mobile qui s'appelle The Room. Pour le coup, en plus, je pense que le titre est ouais. Intéressant. c'est très récent, mais l'escape room, c'est-à-dire la typologie en termes de typologie de jeux vidéo, ça existe, mais depuis hyper longtemps, depuis qu'il y a des frameworks, donc des canevas de création de jeux vidéo comme Adventure Game Studio qui permettent de créer des jeux vidéo de type point and click très simplement. La première typologie de jeu qui existait, et là je parle des années 2000, c'est-à-dire où il n'y avait pas du tout de marché mobile, c'était des escape rooms, c'est-à-dire vous avez juste un tableau, vous cliquez, vous trouvez une clé, vous cliquez, vous ouvrez le coffre-fort avec la clé, et ainsi de suite. Donc c'est un genre assez ancien dans le jeu vidéo, en tout cas. Au-delà de l'aspect un peu énigme ou même exploration, il y a aussi une gestion de l'espace, mine de rien, qu'il faut... Ah bah il y a énormément de choses à prendre en compte. Mais en termes de gestion de l'espace, alors c'est-à-dire que c'est une discipline très très jeune, c'est-à-dire la pièce la plus ancienne de Paris, elle a 3 ans, tu vois. Mais il y a déjà des variations de style. Mais effectivement, je déflore un petit peu le sujet, mais bon, puisque les auditeurs veulent en connaître plus. Mais en gros, il y a un cliché, mais qui est attendu, mais qui est toujours, c'est toujours les étoiles dans les yeux quand ça arrive. C'est il y a une ou plusieurs pièces secrètes. Donc à un moment, on appuie sur un bouton ou on tire le chandelier du passage secret, la bibliothèque se tourne. Oh, vous êtes dans une pièce secrète. Il y a une pièce secrète dans la pièce secrète. Et j'ai même vu des parodies de ça. J'ai vu des non-pièces secrètes. J'ai vu des pièces qui étaient pas du tout secrètes, mais on ne pouvait pas rentrer dedans. Donc comment faire pour rentrer dedans? Donc c'était la gestion de l'espace, effectivement, est importante. Eh ben, j'ai même pas eu le temps de finir ma question, mais c'était exactement ça. Mais alors du coup, il y a cette gestion de l'espace et justement un peu l'aspect puzzle et comment se mélangent les deux en termes de game design, puisque ça doit pas forcément être très évident. Là encore, c'est une discipline très jeune, donc il y a pas de règle fixe. Déjà, faut savoir que la première. Alors souvent, je dis, j'ai fait la première pièce à Paris, ce qui est un peu un mensonge de ma part, mais bon, je suis un auteur de fiction. Mais en gros, on est la deuxième pièce qui a été créée à Paris, sachant que la première, c'était pas une création originale, c'était une licence qui s'appelle Eat Hunt, qui vient de Bulgarie. De Hongrie. Budapest, ouais. Budapest, c'est la capitale des escape rooms. Il y a plus d'escape rooms que de salles de ciné à Budapest. Il y a 3 ans, il y en avait 47, mais non, un peu plus. Et du coup, un des triple A de Budapest, Eat Hunt, qui en sort un peu partout, ils en ont sorti un à Londres. Et là, il y a des entrepreneurs qui sont très très bien, qui ont sorti une escape room à Paris. Et eux, ils ont juste à dupliquer le truc et à l'installer avec nous. Au moment où ils l'ont sorti, ça faisait 2 ans et demi qu'on travaillait dessus, quoi. Donc, la jeune fille qui s'appelle Chloé, qui a créé la pièce, est venue me voir. Elle m'a dit, voilà, on va essayer de faire ça. Je sais que tu en as fait en informatique. Maintenant, on va essayer de le faire en vrai. Ça existe, tu vois. Et elle en a fait 2 ou 3. Elle m'a dit les clichés qu'il y avait, la lumière noire, les lasers, voilà. Et elle m'a dit, vas-y, conçois ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il a fallu tout concevoir à partir de zéro. Et quand je dis à partir de zéro, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas le vocabulaire, tu vois. On n'avait même pas le vocabulaire pour dire qu'est-ce que c'est qu'une énigme, qu'est-ce que c'est qu'un indice, qu'est-ce que c'est qu'une séquence. Aujourd'hui, c'est relativement identifié. On s'est même prototypé, mais à l'époque, la première chose qu'on a fait, c'est mettre des mots sur les trucs, tu vois. Ça a été très, très, très. On avançait très lentement, mais on est arrivé à quelque chose. Mais disons que la base de tout, c'est il faut que tu aies une thématique. C'est-à-dire que une escape room qui réussit bien. D'ailleurs, la meilleure de Paris à l'heure actuelle, c'est The Game. Alors, il faut aussi dans le temps. Hein, on est premier semestre 2016. Ça peut changer, mais aujourd'hui, la meilleure, The Game, elle est rue Cardinal Lemoine. Et elle est reconnue parce que l'accueil est formidable. Les gens sont super sympas. Et après, la qualité d'énigme, elle est correcte. Mais si tu veux, il y a un décorum qui fait que tu kiffes. T'as passé un bon moment. Et aujourd'hui, le plaisir de l'escape room, c'est avant tout ça. Donc, il faut que tu aies un univers chaleureux et un univers fort, et eux ils ont un univers aussi très fort qui s'entretiennent très bien, et à partir de ça les énigmes commencent à popper. Mais il y a une différence avec le jeu vidéo, c'est que dans le jeu vidéo vous pouvez créer un myst dans lequel vous avez une machine magique dans lequel vous mettez des boules bleues et vous avez des bananes qui sortent. Dans la réalité vous pouvez pas faire ça, voilà. Donc c'est quand même un peu plus compliqué de faire une escape room. Alors justement, tu nous parlais de ta rencontre avec Chloé. C'est comme ça que t'es venu toi aux escape room, parce que il y avait déjà des embryons vidéoludiques. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette modalité de jeu? Alors, je te la fais très très longue. Moi, je suis un ancien de l'interactive fiction. Donc, l'interactive fiction, ce sont des jeux en mode texte, super aride. Je m'y suis mis comme ça parce que je savais pas dessiner. Donc, j'avais pas le choix, je voulais faire des jeux. J'ai commencé par ça. Et pendant 10 ans, j'ai galéré, je fais des jeux, personne n'y jouait. Et dans l'interactive fiction, on a une compétition qui est tout à fait originale, qui est on doit faire un jeu en 1 heure. Voilà. Mais c'est possible en interactive fiction parce que c'est du texte, quand on maîtrise bien, c'est faisable. Et il se trouve que j'avais tout déchiré à une compétition. J'avais fait une escape room qui a cette particularité, c'est qu'elle était vide. Il n'y avait rien dedans. Voilà. Tu rentres dans l'escape room, il n'y a rien, il y a juste une photographie au sol. Et il faut trouver un mot secret pour sortir du truc. Et après je te dis pas le twist, mais c'est une escape room assez longue, même si elle est vide. Et ça, ce twist, ça avait fasciné Chloé qui testait des escape rooms virtuels pour voir, trouver des idées. Elle m'a dit, mec, t'es game designer, on se rencontre. On s'est rencontrés. Donc elle m'a proposé son projet. Et il faut voir qu'aujourd'hui, si tu veux sortir une escape room, c'est un peu comme si tu veux ouvrir une pizzeria. Les banquiers, ils t'accueillent à bras ouverts, ils disent, mais il n'y a pas de problème, ils savent que c'est rentable. Mais à l'époque, ils ont pris Chloé pour une malade mentale, pour lui dire, vous allez quoi, mettre des gens dans des caves, ils vont payer pour ça. Donc le bail, le financement, ça a été mais mortel pour elle. Voilà. Elle a dû faire des grosses concessions qui seraient inimaginables aujourd'hui. Mais moi, je lui disais, franchement, je suis un entrepreneur de ça, mais je t'admire parce que tu vas jusqu'au bout de ton idée et tu as beaucoup de difficultés. Et donc, j'ai fait un premier projet qui était très angoissant. C'était ambiance slasher, c'est-à-dire on arrive, on est dans un piège, il y a un mec qui nous manipule parce qu'il faut aussi à la fois une animation sonore qui distille le temps, qui donne une notion du temps et qui distille des indices. Donc cette espèce de maître de jeu à l'atmosphère, le jeu de société, tu vois, ça collait bien. Elle m'a dit, mais je veux pas du tout ça, moi je veux un truc merveilleux, Alice au pays des merveilles. Donc elle avait trouvé un petit local en plus où il y avait une mini porte, genre vraiment une porte de 30 cm. Et elle m'a dit, vas-y, fais un truc là-dessus. Donc j'ai refait complètement le truc. Et finalement, elle n'a pas eu ce local. Elle a eu un autre local, mais on a créé une fausse petite porte artificielle parce qu'elle la voulait absolument. Et voilà, et ça c'est. Enfin, on a sorti un moment la pièce, ça se passe très très bien. Aujourd'hui, la pièce est réservée 3 mois à l'avance. Elle a de bonnes notes, tout le monde la kiffe. Je pense que elle est très primitive aujourd'hui parce que comme il y a pas de propriété intellectuelle, beaucoup de gens ont volé nos idées, ont volé nos principes, tout ça. Mais il y a un degré de finition énorme. C'est-à-dire dans la pièce, il y a un parfum, il y a une ambiance sonore, il y a une histoire, il y a aussi il y a beaucoup de, enfin c'est des vrais objets, c'est pas des objets en plastique, tu vois. Et donc il y a un degré de qualité qui fait qu'on regrette pas d'être venu. Alors justement, tu parles du côté entrepreneur et aussi de la qualité des matériaux utilisés, ouais. sans révéler de secret, c'est quoi le business model entre guillemets d'une escape room qui marche? Alors, il est pas extraordinaire. On va dire, autant quand on fait du jeu de rôle, on gagne pas une thune, autant quand on fait du jeu vidéo, on gagne beaucoup d'argent. Parce que quand tu vends un jeu vidéo 10$, ben Apple, il en prend 3 et t'en as 7 pour toi, tu vois. Autant l'escape room, tu deviens pas milliardaire, tu vois. Parce que l'énorme avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de caves dans Paris, il y a plein de sous-sols. Tu vois, je reviens sur Prisoners, ils ont 600 mètres carrés, rue Quincampoix, mais tu peux pas faire une boîte de nuit là-dedans, tu vois, c'est dangereux. Tu peux pas faire un magasin. Et donc, ça végétait, tout ça, tous ces locaux. Et tout d'un coup, on peut les reconvertir en quelque chose d'intéressant. Donc déjà, ça remplace quelque chose qui ne produit pas en quelque chose qui produit un peu d'argent. Le problème, c'est que tu fais payer quelqu'un 25€ pour venir. 25€, c'est un peu cher, mais admettons, 25€. Donc, ils viennent à 5, tu gagnes 125€. Mais en même temps, tu as une personne qui, si possible, pas le patron, qui supervise ça, qu'on appelle le maître de jeu, qui supervise que les gens ne sont pas bloqués, qui leur donne des indices au bon moment. Donc, cette personne, il faut la payer. Et il faut voir que c'est pas 100, tu gagnes pas 125€ par heure parce qu'il faut accueillir les gens en amont, il faut les débriefer en aval et il faut ranger la pièce en aval. Voilà. Donc il y a tout ça plus les impondérables genre la casse, c'est-à-dire voilà une pièce qui marche que les objets. Alors il y a deux écoles, Hit Hunt par exemple, ils ont des objets très cheap, alors ils vont pas être contents que je dise ça, mais on va dire très ils sont en plastique, quoi, tu vois, il y a pas mal d'objets en plastique, donc du coup ça casse, pas grave, ils remplacent. Chloé, elle est de l'école, voilà, elle a des objets authentiques, c'est-à-dire il y a par exemple une machine à écrire qui est vraiment ancienne. En fait, elle en a pas qu'une, elle en a cinq. Donc dès qu'il y en a une qui est cassée, elle la remplace et elle envoie la première à l'artisan. Et un artisan qui en boucle ne fait que réparer des machines à écrire. Voilà. Donc, mais c'est deux options du truc. Donc, on va dire, tu gagnes pas ta vie des millions, mais par contre, ça marche en continu. Et en plus, c'est assez cool de faire ça quand même. Et alors, pourquoi ça marche, justement ? Alors, les gens aiment pas trop. Enfin, je trouve que c'est. Enfin, je vais dire quelque chose d'arbitraire, mais le cinéma est un peu en déclin en ce moment. Les films sont très longs. Ils sont précédés de. Enfin, un film qui dure 3 heures, c'est. Je vais pas dire c'est la norme, mais c'est très souvent le cas. Plus une demi-heure avant de pub. Plus il faut arriver une demi-heure avant parce qu'il y a du monde. Plus le cinéma, il n'est pas à côté. En gros, tu vas aller au ciné, ça te prend toute l'après-midi. Voilà. Donc là, c'est plus cher que le ciné, mais ça ne dure qu'une heure. Et effectivement, avec Netflix, tout ça, le ciné, ça peut être chez toi. Les gens, ils ont des grands écrans, ils ont des rétroprojecteurs. Donc, faut bien faire une activité sociale autre. Et l'escape room, ce que me disent les gens en général de tout âge, surtout les gens un peu âgés, enfin on va dire qui ont de là 30 ans, c'est qu'ils disent vraiment pendant une heure on est dans un autre monde. Voilà. Et c'est vrai que pendant une heure, tu penses plus à tes soucis, plus rien, tu te dis mais putain, comment je vais ouvrir cette putain de porte, tu vois, voilà, et tu essaies de comprendre les choses. Justement, tu parles du timing, dans un réseau social bien connu, que je ne dirai pas le nom, mais je peux dire qu'il est jaune et qui ressemble à un petit fantôme, tu disais que tu aimais les formats courts, et justement, c'est quoi, entre guillemets, le bon timing pour un escape room ? C'est une heure, c'est ça ? Alors, c'est très intéressant. Donc, déjà, comme j'ai dit, tiens, on a créé les escape rooms à partir de rien. Donc, c'est une discipline nouvelle. Et demain, si tu me dis, moi, j'ai fait des escape rooms qui durent 5 minutes, why not? Tu vois, il n'y a pas de dogme pour faire ça. Aujourd'hui, on a fait une heure parce que c'est ce qu'ont fait les précurseurs. Il y a une escape room très bien foutue qui s'appelle Epsilon Escape, qui est rue Boulevard Sébastopol, qui dure 1h10, tu vois. Voilà. Après, il y a une densité d'énigmes, une densité de fausses pistes. Donc, par exemple, moi, j'ai déclaré arbitrairement que pour une équipe de 4 à 6 personnes, il faut une énigme toutes les 2 minutes. Donc, si tu as une escape room d'une heure, il faut 30 énigmes. Voilà. Plus un tiers de fausses pistes, donc 10 fausses pistes. Donc, c'est des choses qui nous permettent au moins de cadrer des énigmes. Après, il y a beaucoup de playtests pour ajuster ça. Tu peux faire on peut imaginer la durée qu'on veut, sachant que si ça dure trop longtemps, tu gagnes moins d'argent. Voilà. Et si ça dure pas assez longtemps, les gens n'auront pas pour l'argent. Mais la question du timing est intéressante aussi. Et je vais te donner une autre. C'est que il y a aussi deux approches d'escape room, on va dire. Il y a l'approche motivante et l'approche fair play. Donc l'approche fair play, c'est ce qui est le cas de la pièce. C'est tu joues à une énigme, tu joues à une escape room et à un moment, tu es bloqué. Tu vois, t'as une clé verte et une serrure verte, t'as pas compris qu'il fallait mettre la clé dans la serrure. Donc du coup, quand tu te vois trop galérer, t'as un indice qui apparaît quelque part. Quand c'est mal fait, c'est genre t'as une voix qui te dit fais ça. Quand c'est bien fait, ça apparaît magiquement quelque part. Tu vois, il y a plein de devices très bien pour donner des indices. Et en gros, t'avances petit à petit. Et si tu bloques à chaque fois que t'es trop lent, tant pis, tu la finis pas. Tu vois. Ou si au contraire t'es trop rapide, tu la finis avant. Et t'as des énigmes, t'as des escape rooms. Je dirais pas lesquelles, mais elles sont très très bien. Mais ce que je veux dire, ça va avoir une notion de péjorative, alors que pas du tout. Mais c'est pour ça que je cite pas leur nom. Mais voilà. Donc il y a des escape rooms qui sont très malins, qui font exprès d'avoir des énigmes infaisables à certains points clés, qui fait que t'es obligé d'avoir des indices. Ce qui fait qu'ils savent exactement où t'en es. Et ce qui fait qu'ils savent calculer avec hyper précision et à te faire sortir à 30 secondes de la fin. Tu vois, où t'as 30, plus de 30 secondes, t'es en train de calculer, de faire des trucs. Et hop, tu sors et tu te sors. Et t'as l'impression d'être un génie, tu vois. Tu dis, ouais, j'ai tout déchiré, tu vois. Effectivement, tu vis une expérience extraordinaire, super valorisante. Tu t'es fait un petit peu manipuler. Les deux écoles, pour moi, elles sont très bien. Parce que dans un côté, il y a une sorte de respect du joueur. Et dans l'autre, t'as une sensation super. Voilà, donc les deux sont bien. Comment on dose le niveau de difficulté d'une escape room? Parce que les aides, au-delà du fait que ce soit un peu triché, je sais pas, est-ce que ça existe les escape rooms où personne ne vient de prendre la main quand il y a une énigme un peu compliquée, comme en jeu vidéo où on peut désactiver les indices dans ce genre de jeu? Alors, il y en a une qui a un processus assez original. Je trouve que c'est trop risqué, mais elle a beaucoup de succès, donc preuve que ça marche très bien. Je crois que c'est Mystery Escape, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est eux. Donc, eux, ils ont trois modes, easy, hard et normal. Et en fait, tu as, si tu prends le mode hard, tu as trois enveloppes dans lesquelles tu as trois indices. Voilà. Et si tu le prends en mode easy, tu as 10 enveloppes dans lesquelles tu as 10 indices. Donc, en gros, si tu prends le mode easy, tu peux ouvrir toutes les enveloppes et voilà, et tu résous l'énigme. Donc, tu choisis ton niveau de difficulté. Le problème, c'est que, en général, quand tu fais une escape room, comme c'est une expérience qui est souvent positive, j'ai jamais eu des gens qui sont sortis en disant je me suis fait chier, tu vois. Comme c'est une expérience positive, les gens en font d'autres. Et au bout d'un moment, comme on s'est tous copiés les uns sur les autres, enfin plutôt, moi j'ai copié sur personne, mais comme comme les gens, comme ça, on se copie, non mais moi, de toute façon, il faut le dire, il y a les mêmes énigmes, donc les gens ils attendent l'énigme de la lumière noire, ils attendent l'énigme du laser, ils attendent le truc. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième pièce là, pour Chloé. Déjà à la base, de base, c'était tu fais toutes les autres pièces et tu fais tout différent. Donc ça, c'était la première chose et ça m'a bien fait chier. Et la deuxième chose qui m'a vraiment rendu fou, mais je m'étais fixé moi-même, c'est que j'ai dit pas de digicode et pas de cadenas. Et si vous voulez, le cadenas, c'est un peu la brique. C'est-à-dire, vous voulez construire une maison sans brique, c'est peut-être possible, mais je sais pas comment. Et le cadenas, c'est vraiment la brique de l'escape room. Donc, faire une escape room sans cadenas, c'est très très très très compliqué. Voilà. Je me rends compte cela que depuis 20 bonnes minutes, on utilise des termes pièces déjà, et ouais. Voire indices, etc. Ou illusion d'optique. Justement, en quoi l'escape room emprunte à la fois au théâtre, il y a un peu de mise en scène, etc. Et à la magie, à la prestidigitation, parce qu'il y a ça aussi en fait. Alors, il y a au moins une escape room à Paris, mais je ne vais pas le dire parce que j'ai déjà dit trop bien d'eux, qui est faite par un magicien. Voilà. Donc déjà, ça calme. Après, le théâtre, il faut se méfier parce que j'ai eu des projets d'escape room qui m'ont été soumis. Parce que on pourrait en parler, il y a aussi des escape rooms privés, hein, des choses comme ça, mais il y a des projets d'escape room qui m'ont été soumis dans lesquels il y avait des acteurs dedans. Alors c'est absolument infaisable parce que à partir du moment où il y a au moins un acteur, vous êtes déficitaire. Sauf si le mec est bénévole, mais ça j'y crois pas. Donc c'est pas dans une escape room commerciale, c'est pas envisageable. Par contre, dans le cadre de l'escape jam, il y a eu des gens qui étaient des énigmes. Voilà, donc c'était intéressant. Donc la théâtralisation, il y a une mise en scène, ça c'est sûr. Il y a un contexte qui est toujours dit parce que c'est attendu. C'est la concurrence ne fait que mettre en contexte des choses. Et également, il y a une, si vous voulez, les prescripteurs de ce type de parc d'attractions qui sont, j'en cite un, mais il y en a plein d'autres, TripAdvisor par exemple, ils ont tendance, il y a une culture du background culturel. C'est-à-dire, vous venez à Paris, vous allez visiter Notre-Dame de Paris, mais aussi vous allez visiter, par exemple, il y a le manoir qui est une maison hantée rue de Paradis, qui est vraiment très très bien. Ils auraient pu faire à la maison hantée avec des fantômes, un boucher fou, un massacre à la tronçonneuse, mais non, t'es dedans et c'est toutes les légendes un peu glauques de Paris. Et il y a, dans le savoir-faire de l'attraction urbaine, il y a une implémentation de la culture. C'est voulu, c'est comme ça. Et en plus, à terme, c'est bien vu par la municipalité et tout ce qui est promotion d'événements annexes. Donc, c'est pas mal. Voilà. Après, il faut faire attention au respect des droits d'auteur, des œuvres culturelles qu'on prend. Voilà. Il y avait un troisième volet, mais j'ai pas répondu, j'ai oublié. C'est pas grave, je vais rebondir sur ta réponse. Tu as mentionné brièvement l'escape jam, je pensais peut-être y venir un petit peu plus tard, mais maintenant que le diable est sorti de la boîte, autant y aller. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'escape jam, expliquer ce que c'est pour les gens qui ne savent Alors, pas, et puis raconter un peu ce qui s'est passé là-bas. Il y a un endroit très chouette qui s'appelle le Centre de Recherche Interuniversitaire à Paris, qui est rue Charles V, donc à Sully-Morland. Et donc l'objet de ce centre interuniversitaire, c'est de prendre un biologiste et lui faire faire des maths, de prendre un spécialiste du cancer et lui faire faire des jeux vidéo, par exemple. Donc en gros, on regarde l'interdisciplinarité. Et ils ont un laboratoire dédié aux jeux vidéo qui s'appelle le Gamelier, qui est très très bien. Et d'ailleurs, le 3 avril, ils font ce qu'ils appellent la Demo Night, ils présentent des jeux vidéo. Mais j'ai vu des conférences fascinantes sur les jeux vidéo, je crois même que j'en ai fait. Et ils ont créé une antenne qui s'appelle le Club Enigma. Voilà. Qui est dédié à des jeux sociaux super cool. Voilà, ils font par exemple des paintball à la community, tu vois, dans des écoles abandonnées, tu vois. Et ils ont voulu faire un truc fou, c'est-à-dire une escape jam, c'est-à-dire c'est comme une jam de jeux vidéo. On se réunit pendant 48 heures et on fait un jeu vidéo. Ben là, on se réunit pendant 48 heures et on fait une escape room. On la fabrique et on la teste. Moi, quand je fais des jams, et je vais en faire, et j'en ai fait par le passé, enfin, en tout cas, quand je fais l'organisation, je triche un peu. C'est-à-dire qu'une semaine à l'avance, je brief les game designers. Ils ont une semaine pour réfléchir, comme ça, ils arrivent, ils sont chauds. Donc, une semaine à l'avance, on a briefé, on a dit, voilà, c'est quoi une escape room, c'est quoi les tips. J'étais avec Alexis Moroz, qui était le game designer de la pièce, et qu'aujourd'hui, je délègue tout, mais à chaque fois qu'on me demande de faire une pièce, je le délègue à lui parce qu'il est bon et voilà, et ça m'apporte du business sans travailler. Pour la première fois, on a échangé, c'est-à-dire que comme on avait fait tous les deux des pièces dans notre coin, il y avait des concepts comme ce qu'il appelle le flow et ce que j'appelle l'agencement qu'on avait créé, mais on n'avait pas donné les mêmes noms, tu vois. Donc c'était marrant de se confronter à ça. Et le flow ou l'agencement, c'est le fait que tu aies des énigmes. Et tu les relis, un peu comme les paragraphes d'un livre dont vous êtes l'héros, c'est-à-dire tu as l'énigme 1, elle donne lieu à l'énigme 2 et 3, et si tu as les deux, ça donne lieu à l'énigme 4, par exemple. Bon, c'est aussi compliqué que de faire les énigmes en soi, bon, peu importe. Mais en gros, on a briefé les gens, ils sont venus ensuite le vendredi soir, on leur a dit, il est 19h, vous pitchez vos énigmes, vous en avez une chacun, il y a tel mec s'occupe du flow, et à minuit, tout est fait conceptuellement. Donc ils ont tout fait conceptuellement, ils ont fait un prototype papier. Après on les a mis dans la pièce, tout le samedi ils ont créé les énigmes, et tout le dimanche ils ont accompagné les gens qui s'étaient inscrits pour tester les énigmes. Et c'était une énorme réussite, c'était au-delà, c'était inimaginable. J'ai vu des énigmes de top niveau, et en termes de réalisation, et en termes de conception. Voilà. Des énigmes auxquelles je ne croyais pas. J'ai dit, vas-y mec, fais-le, mais j'ai aucune chance, et ils l'ont fait, et c'était magique. Du coup, c'était quoi, hein? Il y avait quelque chose de l'atelier de recherche, l'idée c'était aussi de tenter des formes d'énigmes qu'on ne trouve pas ailleurs, justement. Oui, par exemple, moi je leur ai dit, profitez-en, c'est expérimental, faites des trucs impossibles. Donc par exemple, vous pouvez utiliser, l'exemple caricatural, j'ai dit vous faites un truc à la Fort Boyard, il y a quelqu'un, il est là, et dit si vous me battez au bras de fer, je vous donne la clé. Voilà. Et tant pis si à la fin de la journée, il est crevé, tu vois. Mais c'est des trucs qui sont inimaginables dans une pièce commerciale et qu'ils ont fait là. Il y a quelqu'un qui arrive, il a dit ben, moi, deux pièces, donc une pièce normale, une pièce secrète. Moi, je vous propose de faire une autre pièce secrète, mais en Oculus. Et il l'a fait dans la nuit. Il a fait une pièce secrète. C'était ouf. Il y a des mecs qui ont fait des pièces avec la conduction d'électricité. Il y a des gens qui ont fait des pièces avec des énigmes sonores. Enfin, c'était excellent. Alors, moi, il y a une question que je me pose en entendant ça, puisque tu disais qu'il était question de la tester. Tu parles toi-même de la gestion des tests quand on crée une room. Mais alors, comment est-ce qu'on teste ça? Parce que faut trouver des testeurs, faut qu'ils aient, j'imagine, une grille d'analyse, une capacité à évaluer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Et puis, une fois qu'un testeur a testé, il n'est pas trop trop réutilisable. Alors, le test est interrompu. Bon, déjà, j'ai un peu le melon, donc je me permets de dire que quand je soumets une énigme, elle est bonne. Voilà. Mais en gros, il y a deux phases de test. La première phase, c'est avant même d'avoir la pièce ou de construire quoi que ce soit, le moindre meuble ou quoi que ce soit, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une maquette. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si ta pièce, il y a une clé anglaise, tu prends un bout de papier, tu mets clé anglaise dessus, et voilà, et c'est tout. Et en fait, en gros, c'est un peu comme un jeu de rôle, c'est-à-dire, tu dis à ton testeur, voilà, tu es dans une pièce, tu regardes quoi? Je regarde à l'est, ben, il y a ça, ça, ça, ok, je prends la clé anglaise, donc dans ce cas-là, je lui donne le bout de papier clé anglaise, et ils testent et ils voient si ça marche, s'il y a, comment ça s'appelle, si les énigmes sont compréhensibles. Mais c'est vrai que là, on va faire la pièce 2 là qu'on prépare. Elle est faite pour les, elle sera très très difficile. Elle est tellement difficile que l'énigme centrale, on est obligé de se poser pour essayer de la comprendre. Nous-mêmes qui l'avons créée, quoi. Donc, elle est vraiment d'un niveau très très très très compliqué. Une fois qu'on a fait ce prototype papier et qui marche, on commence à réaliser. Alors, il y a plusieurs obstacles lors de la réalisation. Parfois, comment dire, le menuisier ou le constructeur de machines magiques, il vous dit c'est pas possible. Voilà. Et s'il est vraiment bon, en général, parce que quand je livre une pièce, je livre à la fois le concept abstrait et le concept concret. C'est-à-dire, je dis, quand vous mettez le livre dans la bibliothèque s'ouvre et il y a un passage secret derrière. Et je dis, par exemple, ça peut se faire avec la conduction d'électricité, c'est-à-dire que les couvertures, il y a un fil invisible conducteur et quand on le rajoute, effectivement, ça se complète, il y a une électricité qui marche. Et donc, je donne à la fois le principe abstrait qui est, on ajoute un élément qui fait, on ajoute un élément sur un autre qui fait qu'un passage secret s'ouvre. Et si le menuisier, il n'arrive pas à faire le truc avec les livres, s'il n'est pas bête, bah, il va faire une autre machine qui correspond. Sinon, il faut lui dire, bon, on va essayer de penser à autre chose. Voilà. Et donc, il y a cette phase de débugage IRL, on va dire, qui existe. Et enfin, quand la pièce, elle commence à être faite et qu'il n'y a pas encore trop de décor, il n'y a pas les finitions, ben on playtest, c'est-à-dire que tous les jours, on fait passer des gens. Et tant pis, ces gens-là, souvent, ils sont excités parce qu'ils sont contents d'en faire des gratuitement. Moi, je trouve que c'est une erreur parce que si on est fan, il vaut mieux tester le truc en vrai. Mais souvent, les gens, ils sont excités de tester quelque chose avant tous les autres. Donc, on trouve toujours, playtester, on en trouve plein. C'est le syndrome early access. Il y a même des gens qui sont prêts à payer pour des trucs pas forcément finis. Ouais. Mais justement, je vais reprendre un peu le plan là, que tu as donné. J'ai noté test, réalisation concrète, matériel du projet et après test sans les finitions, entre guillemets. Mais avant ça, en fait, comment on construit une escape room? C'est en gros papier crayon, j'imagine. Et puis comment ça se passe? Enfin, toi, peut-être être technique. La première chose à avoir, c'est un plan des lieux. Et faut voir que moi, je fais que quand si tu me demandes demain de faire une pièce, et que t'es mon ami, je te facturerai 5000 euros. 5000 euros pour te livrer un document Word dans lequel il y aura toute la pièce. Si tu t'appelles Google, je te facturerai un peu plus, mais bon. Et face à ça, après, suivant la taille de ta pièce, tu as 20 000, 30 000, 40 000 euros de travaux. Voilà. Donc, ce qui est très cher, en fait, c'est les travaux. Et quand je dis travaux, ce n'est pas simplement créer les énigmes, c'est les décors. Parce que, une fois de plus, la mise en scène, les décors, c'est quasiment plus important que les énigmes. Donc, la première chose à avoir, c'est un plan de la pièce. Et effectivement, si la pièce a des caractéristiques intéressantes, c'est bien de les exploiter. Récemment, ça n'a pas été le cas, malheureusement. On m'a présenté une pièce où il y avait un escalier monumental qui descendait. Et moi, je leur ai dit, les mecs, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez peindre tout en jaune doré et peut-être vous entrez dans le tombeau de Khéops, quoi. Tombeau de Toutankhamon, vous êtes Carter, on va faire un truc égyptien, ça te ouf, quoi. Et vraiment, il y a un escalier fabuleux qui permettait de faire ça et ça n'a pas été retenu, tant pis pour eux. Mais on va dire, il y a une première étude à faire pour limiter les travaux. Ensuite, il faut convenir d'un thème. Et d'un thème libre de droit, je le répète parce que tout le monde à Paris ne respecte pas cette donnée, voilà. Et il va y avoir des problèmes, voilà, qui vont, à mon avis, très imminemment, on va avoir des articles parce que il y a des gens qui prennent des IP qui leur appartiennent pas et qui font des escape rooms avec. Donc, par exemple, tu vas dire, je vais faire une escape room sur les pirates, voilà. Ou dans le cas de comment ça s'appelle, de Chloé, une escape room sur Alice au Pays des Merveilles, qui est quelque chose qui est désormais libre de droit. Donc, c'est même pas Alice au Pays des Merveilles, c'est Lewis Carroll, l'univers de Lewis Carroll. Donc voilà, c'était intéressant. Prisoner, je crois que je peux en parler. Il y a une époque, il y a la Bastille, par exemple, tu vois. Donc il y a des ambiances particulières. Et comme le disait un créateur de fiction interactive que j'aime beaucoup, qui s'appelle Andrew Plotkin. Et comme il y a quelqu'un ici qui aime les jeux de rôle, je vais lui dire un scoop. C'est Andrew Plotkin. Un créateur de jeux de fiction interactive et de jeux en général, qui est très très humble, donc on connaît pas son nom. mais c'est quelqu'un qui s'est un jour penché sur un jeu russe qui s'appelait le jeu de la mafia en 1984 et s'est dit, c'est ce qu'on pourrait faire, on pourrait skinner loup-garou. Et il a fait toutes les règles du loup-garou. Les règles du loup-garou telles qu'on connaît les loup-garous de Tiercelet, et après les loup-garous de Tiercelet, qui est une société française, a repris et a commercialisé ça. Et on lui a dit, mais mec, on a pris ton idée et tout. Il a dit, mais moi, je m'en fous, c'est le folklore, tout ça. Donc le concepteur des loup-garous tels que nous le connaissons, c'est Andrew Plotkin. Donc cette personne qui est très, très, qui a fait des travaux très, très intéressants, il a dit un paradigme fondamental du jeu, en tout cas du jeu vidéo tel que je le conçois, qui est on étudie l'univers. Et les énigmes, elles émergent d'elles-mêmes. Et ça, c'est évident. C'est-à-dire que vous dites, bon, on va faire une escape room sur les pirates. Bon, il y a quoi sur un bateau pirate? Il y a du bois, il y a des cordes, tiens, il y a des poulies. Il va y avoir peut-être un seau, il va y avoir une cale pour aller dans le sol, mais elle sera fermée. Il y aura... Et tout de suite, tu as des éléments qui arrivent, qui seront de toute façon là, dans le décor ou non, et ça te fait tes briques élémentaires de travail. Voilà. Et après... Face à ça, toi, si tu es un créateur de jeu, notamment un jeu d'aventure, tu as tes typologies d'énigmes. Donc les typologies d'énigmes, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, et quand j'en trouve une nouvelle, je la note, et je suis hyper content, moi j'ai mon petit livre blanc d'énigmes. En gros, c'est une typologie d'énigmes, c'est trouver une clé, ouvrir une porte avec. Donc ça, c'est une typologie d'énigmes. Trouver une clé et ouvrir une porte, mais dans un temps limité. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas dans les 30 secondes, la porte, elle ne s'ouvrira jamais. Donc, ça, c'est autre chose. Trouver deux clés et ouvrir une porte avec, en même temps, avec deux personnes différentes. Donc, une ligne collaborative. Donc, tu vois, là, je cite des exemples basiques parce qu'il y a des exemples plus raffinés qu'on garde secret. C'est notre fonds de commerce. Mais en gros, voilà, on a nos typologies d'énigmes abstraites, on a l'univers. Donc après, on conçoit les énigmes. Il faut qu'on ait un début et une fin. Il faut voir que l'objectif n'est pas forcément de sortir d'une pièce. Il y a des pièces, il faut découvrir un secret, par exemple, ouvrir un coffre. Et une fois qu'on a ce début, cette fin, ces énigmes, il y a le plus important, qui est donc le flow, selon Alexis Moroz, ou l'agencement, selon mon terme. C'est-à-dire que tu prends toutes tes énigmes et tu fais en sorte qu'elles s'entremêlent, que quand on arrive, il y a tout de suite cinq énigmes évidentes à essayer de trouver. Donc les gens, tout le monde est occupé. Et après, elles se recroisent, il faut les mélanger pour que les gens se cassent la tête, quoi. Voilà. Et il faut aussi détourner les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'ouvrir une porte avec une clé, mais c'est d'avoir une clé aimantée et je sais pas, récupérer quelque chose avec, tu vois, détourner un peu les codes, ça c'est super cool, quoi. Et du coup, quand on est créateur d'Escape Room, on est obligé de lire tout Agatha Christie, tout Arthur Conan Doyle, tous les classiques du récit d'énigmes. Alors moi j'aime pas trop le récit anglais. D'ailleurs, en fait, parenthèse, en ce moment je milite pour une pensée française du jeu, c'est-à-dire que par exemple dans l'exemple du roman policier, t'as le roman policier américain qui est basé sur la justice par soi-même, la vengeance, la rédemption, c'est très chrétien. Le roman anglais, c'est plutôt on se réunit tous et je vais vous dire pourquoi, parce que machin parlait pas espagnol, donc lundi c'est vous, tu vois. Et il y a le roman policier français qui est, tu vois, c'est Maigret, le mec qui s'installe chez le mec, il commence à bouffer, il boit un peu, le mec, au bout d'un moment, il craque, il dit « écoute, c'est moi, merde !» Maigret, il dit « c'est pas grave !» Tu vois, voilà. Donc, il y a différentes choses. Je milite pour une construction d'univers et de principes de jeu français. Alors, d'accord, ça, c'était là. Escape Room, Nestor Burma, plutôt qu'Agatha Christie, admettons. Oui, voilà. Mais en tout cas, moi, quand je veux, comme j'ai dit, les typologies d'énigmes, alors après, je sais pas pour les autres, mais moi, j'en ai relativement peu. Et quand j'en trouve de nouvelles, je suis content. Mais bizarrement, les typologies d'énigmes, je les trouve dans les contes populaires. Et je donne un exemple que je donne souvent, qui est que je ne sais pas si vous connaissez, il y a un conte qui se trouve partout, que ce soit en Birmanie ou en France. C'est une petite souris qui veut se marier avec une autre souris. Et le père de la souris, elle a de grandes ambitions pour la souris, donc elle dit « Non, non, je veux marier ma fille au mec le plus puissant du monde et pas à une souris, tu vois. » Et donc la souris, elle va voir le soleil, et le soleil, il est occulté par les nuages sont arrêtés par la montagne, elle est abîmée par le cheval, et ainsi de suite, tu vois. Et à un moment, finalement, c'est la souris la plus forte, tu vois, donc elle peut se marier avec le truc. Et ça, en fait, c'est une typologie d'énigme qui s'appelle l'énigme de type Babelfish, voilà. comme dans Guide du routard intergalactique. Donc l'énigme Babelfish, pourquoi? Parce que dans un jeu très ancien de fiction interactive qui s'appelle H2G2 justement, tu as une énigme où tu dois récupérer le Babelfish, donc le poisson qui traduit les choses pour toi. Donc tu appuies sur un bouton, il y a un Babelfish qui arrive, et quand tu essaies de l'attraper, il disparaît parce que il y a un trou. Donc tu mets une serviette sur le trou, tu appuies sur le bouton et hop, il va encore ailleurs, tu vois. Donc il faut que tu, et au fur et à mesure tu bloques les trous et à un moment tu peux récupérer ton poisson. Donc cette énigme en cascade avec différents obstacles, ça s'appelle une énigme de type Babelfish, c'est aussi dans la typologie d'énigmes, et ça on le retrouve dans les contes populaires. Voilà, c'est intéressant que tu parles de contes, enfin de d'ouvrages que t'as pu lire, parce qu'en fait j'étais en train de me dire tout à l'heure quand on parlait d'énigmes etc, ça me fait beaucoup penser au jeu dont vous êtes le héros, une autre forme de jeu que tu as pratiqué. Justement, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des ponts à faire entre l'escape room et le livre dont vous êtes le héros, qui est un peu le bouquin où il faut sortir aussi Alors, les livres dont vous êtes le héros, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que à l'époque, on en vendait des millions. Et ça a été une littérature un petit peu méprisée, mais elle est vraiment fondamentale. C'est un peu c'est nos classiques en termes de création de jeux, et aujourd'hui encore on a de grands enseignements à tirer des livres dont vous êtes le héros qui ne sont pas du tout exploités. Voilà, donc ça c'est de base, mais sur le plan de la forme et du fond, c'est très très important. Et moi, ce que les livres dont vous êtes le héros m'ont appris, entre autres, c'est que ils ont des petits paragraphes et comment dire, les livres dont vous êtes l'héros, de type Sorcier de la montagne de feu, anglais, ils ont des tout petits paragraphes. Ils disent vous sortez, vous avez pris un petit déjeuner, il fait gris, vous allez où? Voilà. Et ça a été à cause de cette concision anglo-saxonne, ça a été très méprisé en disant ce n'est pas de la littérature. Et quand il y a eu des livres dont vous êtes l'héros qui ont été faits par des Français sous pseudonyme américain dans la collection des Filles Fantastiques, je pense à Gildas Sago qui a fait la série, je m'en souviens plus, les éléments, enfin c'était un truc français, mais sous des Filles Fantastiques. J'ai un trou énorme pour un truc que je connais par cœur. On mettra le lien dans la description du podcast. Quand il a commencé à écrire, il a fait des tartines, c'est-à-dire il faisait des paragraphes de 3 pages, tu vois. C'était illisible. Et aujourd'hui, un des principaux défauts que les joueurs reprochent au jeu, c'est d'être beaucoup trop verbeux ou beaucoup trop généreux en cutscene. Et effectivement, cette concision, il faut la rechercher, il faut la trouver. Voilà. Et il faut vraiment aller à l'essentiel. Et dans une époque qui lit que des tweets, tu vois. Et déjà sur l'unique plan formel, c'est-à-dire je parle même pas de la structure. Sur l'unique point formel, il y a des choses très très intéressantes à étudier et sur lesquelles se pencher. Après, sur le plan des algorithmes papier, effectivement, il y a beaucoup d'enseignements à tirer, et ça, je ne vais pas en dire beaucoup, mais par exemple, un classique qui s'appelle « La créature venue du chaos », je sais pas, est-ce que vous connaissez ce livre dont vous êtes le héros, qui s'appelle « La créature venue du chaos » ? On n'a rien de caché, j'en ai lu beaucoup quand j'étais petit, donc je dois l'avoir fait, mais dans une masse conséquente. Alors, c'est un de Steve Jackson, c'est considéré comme son meilleur, après les sorcelleries qui sont excellents aussi, et c'est un livre qui est d'une difficulté extraordinaire. Et c'est un livre qui a cette particularité, c'est que vous pouvez tricher, c'est-à-dire vous pouvez ne pas faire les combats, vous pouvez retourner en arrière, tout ça. Si vous trichez, vous n'arriverez pas à faire le livre, et si vous prenez tous les paragraphes, vous dites le 1, il va au 2, au 34, vous refaites l'architecture, vous ne pourrez pas le finir non plus. Ce livre est résistant à la triche. Et et il utilise des techniques pour ça qui sont extrêmement complexes. Et voilà, il faut les connaître, tu vois. Mais c'est des choses qui ont 20 ans et tu as des trucs à apprendre, c'est ouf, quoi. Et d'autres formes de jeu, est-ce qu'il y a des inspirations à sortir d'autres formes de jeu, toi qui as une pratique aussi du jeu vidéo et qui vient quelque part qui est venu aux escape rooms depuis les jeux vidéo, j'imagine qu'il y a des sources, et peut-être même en jeu de rôle, que ce soit sur des aspects d'univers ou sur des mécaniques, le jeu de rôle a utilisé beaucoup d'énigmes, notamment dans ces occurrences dungeon crawling. Alors, autant j'aimerais dire beaucoup bien de jeux de rôle que j'adore, Autant j'ai tendance à dire non, parce que les jeux de rôle aujourd'hui sont, enfin, les jeux de rôle de tout temps, les jeux de rôle sont des jeux de rôle qui sont, on va dire, soit orientés sur les stats pour les jeux primitifs, soit orientés sur l'interaction entre les personnages pour les jeux de seconde génération, comme Cthulhu Vampire, soit aujourd'hui vraiment orientés sur la création d'univers, comme les jeux de la nouvelle mode, comme sur les frontières. Donc ce sont des jeux qui sont intéressants, mais qui n'ont pas trop de rapport avec la fiction interactive. Les jeux vidéo sont pas très intéressants. De toute façon, c'est pas un terreau très créatif, les jeux vidéo. Je dirais que quand je cherche vraiment l'inspiration, je vais à Leroy Merlin et je regarde des trucs. Et franchement, n'importe quoi, c'est inspirant. Je vais te dire un truc de ouf fou. J'ai une énigme de fou que j'arrive pas à caser, que j'essaye de caser depuis des années et qui est tellement bien, mais tellement bien. Je suis à Leroy Merlin et je vois un appareil qui est hydrofuge. C'est-à-dire que tu mets de l'eau et elle glisse, tu vois. Et on ne peut pas utiliser d'eau dans les escape rooms parce que ben, c'est chiant pour diverses raisons. Mais je me suis dit, tu prends un miroir ou une vitre, tu prends ton produit de refuge, avec le doigt, tu traces un truc dessus, ça disparaît. Mais quand tu mets de la buée, quand tu fais, tu sais, tu souffles dessus pour mettre de la buée, ben, la buée n'est pas sur le produit de refuge. Donc là, tu as un message qui apparaît. Je dis, mais c'est trop ouf, il faut l'utiliser, j'ai jamais réussi à le placer, tu vois. Mais ça, c'est typiquement le truc, tu es à Leroy Merlin, tu dis, là, je peux faire une énigme, tu vois. C'est très, l'escape room, c'est très bricolo. C'est moins théorique que ça, tu vois. Tu parlais de l'eau comme un matériau qu'on ne peut pas utiliser. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans les escape rooms? J'imagine que l'eau, c'est effectivement, comme tu le disais, pas simple. Le feu, vraisemblablement, c'est pire. Ouais. Et du coup, il y a la poussière qui fonctionne avec le feu. Typiquement, les messages au jus de citron, ce genre de choses. Ça on ne fait pas ça, mais il y a des choses plus élégantes. Un des classiques qu'il ne faut pas faire si vous voulez créer votre escape room, c'est par exemple la lumière noire. Donc, c'est la fameuse lumière, quand vous l'éclairez avec c'est de la peinture phosphorescente qui est invisible à la lumière normale, et quand vous l'éclairez avec de la lumière avec violette, une ampoule spéciale, tout d'un coup ça apparaît. Alors ça, c'est un truc qui est là depuis des temps primitifs de l'escape room, tout le monde l'attend. Voilà. Quand vous trouvez une pile, en général, un moment dans un escape room, c'est que vous allez trouver une deuxième pile puis une lampe torche, et avec la lampe torche vous allez trouver un message. Donc ça, faut pas trop le faire. Mais un autre matériau que j'aurais aimé utiliser qui a été refusé, c'est la poussière. Moi, j'aurais adoré, comme dans Indiana Jones, la scène de la salle de la maquette, c'est-à-dire t'as une dalle gravée, mais t'as de la poussière dessus, donc tu nettoies un peu, et effectivement dessous tu vois des trucs gravés qui étaient recouverts par la poussière, tu vois. Mais voilà, les mecs qui foutent de la poussière de partout, voilà, on est obligé de ranger. C'est-à-dire que moi, parmi les obstacles de réalisation, on me dit énigme refusée parce que durabilité, énigme refusée parce que ça marchera pas, énigme refusée parce que c'est trop cher, et énigme refusée parce que ce sera le bordel à ranger. Voilà. Et puis j'imagine que les consommables, c'est pas, quand tu parlais de durabilité, les consommables, c'est pas forcément le plus évident non plus à utiliser. Alors, c'est intéressant. Oui et non. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des choses qui s'appellent, il y a un business qui est dans les escape rooms, qui est le business des escape rooms privés. C'est-à-dire que un grand groupe vous dit, moi je veux présenter mon nouveau rouge à lèvres, et donc je voudrais faire un truc cool pour les journalistes. Donc en gros, tu fais une escape room qui dure 15 minutes, et le but, c'est d'ouvrir un coffre dans lequel il y a le fameux rouge à lèvres. Et donc c'est pas trop compliqué, comme ça les journalistes sont contents. Et là, dans ce cas-là, tu peux faire des choses consommables. Et moi, j'avais fait une énigme sur les cinq sens, donc il y avait l'odeur, tout ça, et l'énigme du goût. Tu avais un petit macaron, tu le mangeais, et dans le papier du macaron, tu avais une réponse à l'énigme. Voilà. D'accord. Et donc là, c'est bien parce que tu sais qu'il va y avoir genre 40 sessions de journalistes, donc tu n'as besoin que de 40 macarons. Voilà. Tu parles de journalistes, et du coup, je me disais, est-ce que il y a une presse, une critique de l'escape room, à l'instar de, par exemple, en hors micro, je crois qu'on parlait de Casus No, en jeu vidéo, il y a plein de trucs, en jeu de société, il y a Trick Track. Est-ce que commence à y avoir une presse ou une critique de d'escape room? Parce que, mine de rien, je disais que le genre de l'escape room, en tout cas sur Paris, il y a pas mal en vogue depuis 3 ans, je crois, et donc du coup, il y a peut-être ça qui a émergé, non? Alors, malheureusement, ils vont m'en vouloir parce que je ne me souviens plus de leur nom, mais il y a une espèce de site qui fait ça, qui recense un peu. Il n'y a pas de besoin pour le moment. parce que si, enfin, la pièce ne fait pas de pub, tu vois, parce que ils sont pleins 3 mois à l'avance. C'est-à-dire, un jour ils seront peut-être plus pleins, donc ils auront besoin de faire de la pub, mais aujourd'hui c'est méga plein, c'est archi plein. Et bizarrement, le marché il est saturé, donc il y a trop de pièces sur Paris, ça on faudra en parler. Mais donc en gros, la presse elle reste, ça, enfin par exemple la presse de jeux vidéo, pour parler d'elle en particulier, elle a vocation à être prescriptrice. Elle a peut-être changé parce qu'aujourd'hui les prescripteurs sont surtout les youtubeurs et les streamers, mais jusqu'à présent la presse elle vous dit voilà, Skyrim 8/10, achetez-le, c'est cool, ou ce jeu 3/10, ne l'achetez pas. Et donc c'est pour ça qu'on achète, et effectivement leur truc est utile. Tandis que là, de toute façon, on va dire, il y a, à une époque où il y avait 5 pièces sur Paris, de toute façon, vous allez faire les 5 dans l'année si vous aimez ça. Voilà, donc c'était pas la peine. Il n'y a pas vraiment besoin de dire cette pièce-là, elle est cool, tu vois. Et c'est tellement un petit monde aussi que s'il y a un magazine qui arrive et qui dit bah, cette pièce, elle est nulle, de toute façon, c'est difficile parce qu'on n'est pas beaucoup, tu vois. Et est-ce qu'il y a des espaces communautaires, et si ce n'est pas en France, au niveau mondial, Adrien a parlé de Casus Snow et en jeu de rôle, c'est pour le coup, si Casus Belli est une publication, Casus Snow est un forum. Trick Track, de la même façon, il y a beaucoup de circulation sur les forums, et puis de la discussion de passionnés et de créateurs. Est-ce qu'on retrouve un peu des phénomènes comme ça en francophone ou en anglophone? Alors, j'en connais pas. Par contre, j'arrive dans la section potin. Je m'en fous parce que j'ai une parole assez libre. Dans les escape rooms, on se connaît tous. Voilà. Et on se connaît tous selon deux modalités. Soit on s'invite, soit ils viennent nous espionner. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc on se connaît tous. Et il y a deux clans, on va dire, deux clans qui s'affrontent secrètement, comme dans Vampire. Et voilà. Et de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est le clan des gentils contre le clan des méchants. Mais donc voilà, on se connaît tous. On s'envoie les uns aux autres, en quelque sorte, parce que les gens, ils sortent, ils disent, c'était cool, quand est-ce que je peux refaire? Bah, aller voir machin qui est à côté, tu vois, et pas l'autre, surtout pas, non. Et donc, il y a ça qui marche. Et puis, il y a aussi le fait que l'escape room, c'est un terreau super utile pour le team building. C'est-à-dire que voilà, vous voulez mieux vous connaître, vous voulez qu'il y ait une meilleure ambiance au bureau, vous faites une escape room, vous sortez, vous êtes bien, tu vois. Le problème, c'est que jusqu'à présent, conseil d'administration, comité d'entreprise de SNCF appelle, ils disent voilà, on voudrait faire des escape rooms, super, j'ai 70 personnes, on fait quoi? Tu vois, donc on peut pas gérer ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une alliance. Ce qui fait que si vous appelez la pièce demain et que vous avez 50 personnes pour faire du team building dans la même journée, pas de problème, elle en prend 10 et elle va dispatcher en petits groupes les autres. Et en plus, il y aura une méta-énigme. C'est-à-dire que suivant votre performance dans chacune des énigmes, vous allez avoir des indices. Et quand vous vous retrouverez tous ensemble, vous aurez une autre énigme à résoudre. Voilà. Alors j'allais poser la question des publics que ça peut concerner. Effectivement, le public d'entreprise en premier lieu. Finalement, on retrouve un peu des pratiques assez proches de Laser Game à une époque, non? C'est moins compétitif, c'est quand même beaucoup plus bon enfant. Et c'est-à-dire que vous pouvez y aller avec votre mère, hein. Je veux dire, votre mère fera pas forcément du Laser Game, ou votre grand-mère. Enfin, il y a des escape rooms, on va dire, dont l'ambiance c'est asile psychiatrique, par exemple. faut aimer, voilà. Mais les escape rooms un peu gentils, cool, voilà. Par exemple, il y a une escape room dans Eaton qui s'appelle la Zen Room. Bon, ça donne le style, quoi. Vous n'allez pas être oppressé dedans. Moi, j'insiste, je trouve ça très, très, très, très important que les escape rooms, elles doivent être faites. Un enfant de 12 ans doit avoir les mêmes chances qu'un adulte de 50 ans. C'est-à-dire que déjà pas d'opération mathématique, pas je sais parler en latin ou j'ai de la culture générale, pas je sais parler le morse, tu vois, pas, alors là je dis bonjour à mes amis de Hightent, pas je sais pas savoir faire des mots croisés ultra compliqués, tu vois, voilà, il y a des pièces, tu rentres, faut savoir jouer aux échecs, tu vois, et t'as pas payé 25 € pour jouer aux échecs, c'est tout. Donc il faut à la fois qu'il y ait pas comment ça s'appelle ? Il faut qu'il n'y ait pas de jeu dans le jeu, on va dire. Et surtout, il faut que ce soit des énigmes très simples du style ah mais ouais, c'est vert, donc je le mets avec du vert, tu vois, et ça va déclencher quelque chose, ou tiens, quand j'appuie sur ce bouton, ça allume deux lumières, quand j'appuie sur ce bouton, ça allume trois lumières, qu'est-ce qui se passe, tu vois, des trucs très logiques, qui sont de l'ordre même des tests de quotient intellectuel, tu vois, et dans lequel un enfant de 12 ans peut être aussi performant qu'un adulte, voilà. On a parlé du public, mais en fait, on a parlé un peu du lieu, parce que c'est, mine de rien, la pièce, mais en fait, je voulais parler du lieu au niveau géographique, parce que ça a l'air très parisien, et à quoi c'est dû, à l'abondance, entre guillemets, de caveaux, comment... Alors, déjà, aujourd'hui, là, alors, parce que ça change tellement que, voilà, aujourd'hui, donc le 30 mars 2016, il y a une escape room dans chaque grande ville de France. Il y en a au moins une à Toulouse, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait deux ou trois. Il y en a une à Nantes, voilà, il va y en avoir une à Metz, et ainsi de suite. Donc, si vous êtes dans une ville de taille raisonnable, il y en a une chez vous. Et après, bon, ben voilà, il y a 10 millions d'habitants en Île-de-France, donc il y a un besoin. Et il se trouve que voilà, il y a aussi beaucoup de lieux à Paris qui sont bien centrés et dans lesquels il y a très peu, enfin, il y a les fameuses caves qui sont vides, tu vois. Je veux dire, à la rigueur, tu peux avoir, enfin, comment dire, pour un loyer modéré dans une ville de province, tu peux avoir une belle vitrine. Mais à Paris, c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'une vitrine, ça coûte très, très, très, très cher. Par contre, des caves, ça coûte rien. Et effectivement, ça se déploie bien. Voilà. Effectivement, tu parlais du prix des loyers. Et à côté de ça, tu disais qu'il y avait une saturation à Paris, c'est ça ? C'est à quoi, ouais, à quoi, ouais, c'est dû ? Bah, d'habitants qui attirent des volontés. Bah, au moment de l'Escape Jam, il y avait donc c'était en, je crois que c'était quoi, en septembre dernier. C'était en novembre dernier. Il y avait déjà 20 entreprises de d'escape room à Paris. C'est-à-dire qu'une entreprise comme Eat Hunt, que j'ai cité plusieurs, bon, je vais citer Prisoners à nouveau. Une entreprise comme Prisoners, elle a au moins 3 pièces différentes. Quand je dis 3 pièces différentes, elle a 3 pièces complètement différentes. Vous pouvez revenir 3 fois chez eux, mais celles-ci sont en plus dupliquées. C'est-à-dire que tu as, je crois, 2 fois 3 pièces différentes. Plus, ils font des événements dans des lieux éphémères, genre des bateaux, tout ça. Donc, une entreprise comme ça, déjà, elle a beaucoup de pièces. Il y a des pièces qui sont transportables. Il y a des pièces qui sont... bon. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pièces. Là, on commence à arriver à être un petit Budapest. Je dirais qu'il y a peut-être 40 pièces à Paris, 50 pièces, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que moi, comme je suis game designer, si tu veux, j'ai une forte confiance en moi. J'y pense souvent. Donc moi, mes pièces, elles sont bonnes, tu vois. Je m'en fous de la concurrence. S'il y en a beaucoup, à un moment, les petits mourront. Mais ce qui est intéressant, c'est que... nos pièces sont un peu difficiles et un peu, comment dire, pas faciles à trouver déjà. Donc, c'est pas mal qu'on arrive en fin de vie du joueur. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont clairement pas au niveau à Paris. Elles sont pas très bien, mais c'est tellement incroyable la première fois que tu le fais que c'est cool de commencer par ces pièces pourries en quelque sorte. Parce que tu dis « Ah, c'est cool !» et après, tu en essaies une autre et c'est encore plus cool, tu vois. Donc, tôt ou tard, ils viendront à nous. Donc, nous, on est assez relax à la pièce et puis il y a plein de pièces de qualité qui n'ont pas de soucis à se faire. Après, il y en a d'autres, voilà, c'est un peu plus compliqué, voilà. Alors, je me posais la question justement de la rejouabilité. Logiquement, une pièce, quand on l'a faite, on ne la refait pas, sauf avoir des sérieux problèmes de mémoire. Est-ce que ça implique aussi une durée de vie pour des pièces ou on se dit au bout de 3, 4, 5 ans qu'elle aura tourné, le public potentiellement intéressé sera venu et il sera temps de changer les énigmes, de changer la pièce, peut-être en gardant le même lieu même. Alors, deux réponses à ça. Premièrement, Eat Hunt a sorti une pièce qui s'appelle Le Sous-marin, qui est rejouable. Tadam ! J'imagine. Donc elle est rejouable. Des contre-exemples, effectivement. Ouais, donc non, mais preuve que non, mais ils l'ont fait, ça marche. Donc qui sait si demain toutes les pièces seront pas rejouables, tu vois. Donc déjà. Ensuite, moi je pense vraiment que le public si on ouvre une escape room demain et que le marché est pas oversaturé, il est saturé aujourd'hui, il est pas saturé de façon délirante, mais si c'est pas délirant, le public il est infini. Pour la raison suivante, c'est que de toute façon, on peut avoir que 4 personnes à la fois et pas une salle de cinéma entière. Donc, il y a quand même beaucoup de demandes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que demain, si on veut faire une pièce, si tu veux faire une pièce un week-end, bah, en tout cas, la pièce, c'est mort pour 3 mois, tu vois. Si tu veux le faire, effectivement, un lundi matin aux aurores, ouais, ce sera libre. Donc, enfin, on va dire ça, les gens qui veulent y assister vraiment, ils rentrent au compte-gouttes. Donc, que le marché il s'ouvre en permanence, que ça a tendance à devenir un loisir qui va devenir comme le cinéma. Donc, le marché va s'ouvrir et va devenir massif. Et après, voilà, il y a la nouvelle génération qui arrive en permanence, tu vois. Donc, théoriquement, il y aura toujours du public. Et puis, voilà. J'imagine qu'en tant que game designer, on a envie d'innover, de ne pas rester sur ses acquis et d'imaginer la pièce d'après. Nouvelle un peu triste, j'ai livré ma pièce il y a un an déjà, ça fait un an qu'ils la construisent, donc c'est une pièce costaud quand même. Je pense que je m'arrêterai après, parce que, enfin, sauf si Chloé me demande une pièce, parce que j'ai des relations d'amitié avec elle, mais c'est vraiment beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Voilà. C'est beaucoup de travail. C'est parce que pour la prestation que je fais, c'est je donne un document qui me prend. Enfin, si je travaillais 8 heures par jour, ça me prendrait une semaine de travail. En général, je le fais en beaucoup moins. Je fais ça d'une session très rapide. Voilà. Donc, je facture. Mais le problème, c'est qu'il y a des allers-retours incessants. Tout le temps, il y a tout à refaire tout le temps, et ce qui fait que on est à la V8, V9 et ça ressemble plus à du tout au début, après, et donc c'est un peu comme faire un site web où il faut changer en permanence. Bah là, c'est pareil, c'est vraiment très compliqué. Aujourd'hui, le jeu vidéo est quelque chose qui pour le même investissement en temps et en puissance intellectuelle apporte plus de, on va dire, de résonance et d'argent aussi. Voilà. Par contre, la pièce par rapport à un jeu vidéo, enfin, faire une escape room aujourd'hui. En termes de game designer, c'est à mon avis ce qui est de plus intellectuellement difficile. Voilà. Si vous aimez les challenges intellectuels, c'est là que ça se passe. Tu parlais que c'était peut-être ta dernière pièce que tu avais livrée, donc ouais. il y a un an et qui est en train de terminer d'être construite, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais du coup, bon, on a parlé un peu de comment tu faisais tes énigmes, etc. Et est-ce qu'on peut déterminer une signature d'auteur, entre guillemets, dans les pièces? Puisque bon, on a vu que tu avais un peu tes sources d'inspiration, mais j'imagine que d'autres ont d'autres inspirations et d'autres petits tics de game design. C'est un peu difficile parce que déjà, il y a assez peu de pièces à Paris qui sont vraiment créés par des game designers français. C'est-à-dire, il y a des pièces de qualité, mais ce sont des licences qui sont rachetées. Il y a des pièces dont le contenu n'est pas forcément lié à, on va dire, où les énigmes sont relativement cousues de fil blanc, mais le décorum est tel que tu vis vraiment une expérience, tu vois, c'est plus une expérience qu'un enchaînement d'énigmes. Donc, bon, elles ont toutes la sens. Enfin, la différence, selon moi, se fait moins sur les énigmes. Il faut vraiment être un game designer extrêmement fin pour découvrir qui est derrière ces énigmes. Mais la différence se fait surtout sur l'humour, la poésie, la qualité des décors. Voilà. Mais, enfin, vous voyez, quand vous rentrez dans la pièce, proprement dite, qui pourtant est une pièce qui est vieille et qu'on a fait en premier, il y a une telle qualité que vous dites, il se passe quelque chose là, il va se passer des choses, je vais passer un moment assez intéressant. Voilà. Tu disais que pour concevoir des escape rooms, tu avais dû toi-même en pratiquer beaucoup, tu as beaucoup parlé des pièces parisiennes, tu as testé des choses à l'international aussi lors de voyages? Alors, non et non. Alors, il faut voir que quand Chloé vient me chercher pour la première pièce, j'avais pas une thune. J'étais vraiment fauché, c'est pour ça que j'ai accepté de faire ça. Et donc, je pouvais absolument pas. Il y avait pas de pièce à Paris, je pouvais pas aller à Londres en faire. Donc, je l'ai fait à partir de rien. Et après, j'ai fait d'autres pièces. Ça m'intéresse pas trop, si tu veux, parce que voilà, je suis quelqu'un qui consomme très très peu. C'est-à-dire, la seule série que j'ai vue ces dernières années, c'est The Wire, tu vois. Tout le monde me dit faut regarder House of Cards. Enfin, je regarde aucune série. Je lis beaucoup de règles de jeux de rôle. Ça m'intéresse en tant que game designer. Mais sinon, voilà, je lis peu de livres. Je vais rarement au cinéma parce que déjà, j'ai un peu peur d'être influencé. Et ce qui me rend très triste dans mon travail, c'est que Quand on me demande quelque chose, on me dit par exemple, c'est un exemple fictif, hein, mais on me dit, ce serait bien que tu fasses ce projet et que tu fasses comme House of Cards, tu vois. Alors moi, je dis oui pour faire plaisir au mec, mais en fait, ce que je pense, je dis, c'est complètement con parce que House of Cards, ça fait 5 ans que c'est sorti. Donc ça veut dire que le mec, non seulement ça fait 5 ans que c'est sorti, mais ça fait 5 ans que le mec, il est en production, il réfléchit dessus. Le temps qu'on fasse le truc, ça va prendre 5 ans. C'est-à-dire que le jour où ça va sortir, ça aura 15 ans de retard. Tu vois, il faut être en avant. Tu vois, il faut se dire c'est quoi le truc qui n'a jamais été fait encore. Tu vois. Alors effectivement, c'est intéressant d'avoir les typologies d'énigmes des autres pour pas faire pareil. Mais ça, Chloé, elle s'en occupe. Elle me dit cette énigme, je la refuse parce qu'elle a été faite. Mais la meilleure façon de pas être inspiré, c'est surtout de ne pas les regarder. Voilà. Mais en même temps, regarder ce que font les autres, c'est aussi l'occasion de trouver des mécanismes qui peuvent permettre d'imaginer. Enfin, j'essaie de me mettre dans la tête d'un game designer. Je me vois mal faire de la conception de jeu en ne pratiquant pas moi-même à minima un petit peu pour regarder ce qui se fait ailleurs, voir ce que j'aime, ce que j'aime pas, et puis peut-être faire émerger de nouvelles idées. Certainement, c'est une bonne approche. J'en ai une autre, voilà. Pour l'instant, c'est la mienne, mais moi, si tu veux, je te parle aujourd'hui, mais je suis le mec qui a fait un hit, qui est out there, qui en a pas fait deux, tu vois. Donc, si ça se trouve, c'est vraiment la chance et j'ai vraiment les mauvaises méthodes, tu vois. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est ma méthode, mais j'ai travaillé. J'ai fait un livre dont vous êtes l'héros avec une certaine personne qui s'appelle Fanette Mélier, qui a un très grand nom du graphisme en France. D'ailleurs, elle a fait ce livre, elle a fabriqué ce livre sur le plan formel lors d'une résidence à la Villa Médicis. Et c'est elle qui m'a appris ça. Elle m'a dit, moi, pour arriver à faire des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, ma première règle, c'est de ne pas regarder ce que font les autres. Voilà. Et j'ai trouvé que c'est pas très raisonnable, mais c'est assez intéressant. Mais attention, ne pas regarder ce que font les autres, ça ne veut pas dire ne pas se documenter, tu vois. Bah, c'est-à-dire, si demain je dois faire une pièce sur les pirates, j'essaierai de tout savoir sur les pirates pour avoir un univers cohérent et quelque chose de fort et des idées pour suivre la règle d'Andrew Plotkin qui est connaissez votre univers, les énigmes émergeront d'elles-mêmes, mais je n'irai pas voir ce qu'auront fait les autres sur ce thème ou sur un autre thème, voilà. Et incidemment, tu disais que tu lis des règles de jeu de rôle parce que ça t'intéresse pour ce que tu fais en création de jeux vidéo. Alors moi, je soutiens la thèse suivante que j'ai souvent, enfin que je martèle constamment depuis 10 ans, qui est que le jeu de rôle papier, c'est la scène expérimentale du jeu et du jeu vidéo en particulier 10 ans en avance. C'est-à-dire que les Donjons et Dragons qui arrivent dans les années 70. Et dans les années 80, on a les jeux de stratégie TSR, là, avec des jeux de rôle où on doit lancer des dés, enfin, des jeux de stratégie, des wargames, quoi, tu vois. On a l'Appel de Cthulhu qui arrive en 1982, et 10 ans plus tard, on a l'âge d'or des point and click, qui sont en fait des jeux où on ne doit pas tuer des gobelins, mais on doit faire ce qu'on fait dans l'Appel de Cthulhu, c'est-à-dire discuter avec des gens et résoudre des énigmes. On a, début des années 90, Vampire, la Mascarade qui arrive, et Vampire, c'est les open world. Et qu'est-ce qu'on a à fin des années 90? Ben, GTA, les open world qui arrivent. Début des années 2000, on a les Dogs in the Vineyard et tout ça. Et aujourd'hui, on a quoi? On a Minecraft, qui est le Dogs in the Vineyard au niveau de jeux vidéo. Donc, moi, ce qui m'intéresse quand je regarde des jeux de rôle papier d'aujourd'hui, que ce soit Sur les Frontières ou d'autres, ou Microscope, ou voilà, je me dis... Ça, c'est le jeu vidéo qu'on aura dans 10 ans, mais ça sera quoi, tu vois? Et ça me permet de... Enfin, ça alimente beaucoup ma réflexion, voilà. Ce qui pose un peu la question, qu'est-ce que tu lis en ce moment? C'est ça? Alors, j'ai acheté... Attends, je regarde ma table de chevet. J'ai acheté un livre, enfin, il est moche. Il s'appelle Fight. C'est un jeu de rôle américain qui simule des combats Street Fighter. Ok, c'est vaste, mais bon, pourquoi pas. Manu, tu voulais poser une question. Bah oui, pour revenir un petit peu sur le sujet des escape rooms, toi qui t'as eu l'occasion d'en pratiquer, visiblement, en tout cas, tu connais bien celles qui sont à Paris. Qu'est-ce que tu conseillerais et pourquoi? Alors, par les tiennes, parce que les tiennes, on a compris qu'elles. Ouais, c'est ça. Voilà. Je vais conseiller la mienne, mais bon, je serais pas objectif, même si je la conseille quand même parce qu'elle est très bien. Mais en fait, sachez que je gagne pas un sou quand vous y allez, donc je peux la conseiller. C'est aussi. C'est de la publicité gratuite. Non, mais Si vraiment, enfin, pour les, si vous écoutez ce podcast parce que vous êtes un fin gourmet du jeu, ce qui est intéressant de faire la pièce, c'est que quand vous êtes dans la pièce, vous vous dites, je suis en train de faire la première pièce originale à Paris. C'est-à-dire que là, historiquement, c'est la première. Donc, il y a un aspect primitif. C'est un peu comme si vous lisiez le premier, si vous lisiez l'Iliade en quelque sorte, tu vois. Et après, tu peux lire du Shakespeare et il y a des liens entre les drames de l'Antiquité et Shakespeare, mais c'est la recherche du game designer. Mais sinon, incontestablement, n'importe qui de sensé vous dira il faut essayer The Game, qui est excellent à tout point de vue. Si vous débutez, Prisoners, c'est un très bon choix. Ou It Hunt. Et It Hunt, c'est vraiment les leaders. C'est les Ubisoft de l'Escape Room. Vous serez bien reçus. C'est très sympa. Voilà. Voilà en gros les grands noms. Et l'Escape Room la plus improbable, la plus folle que tu aies pu faire, le truc auquel, là où tu as été le plus surpris Ça m'est jamais arrivé, mais si vous aimez les trucs un petit peu bizarroïdes, dans Prisoners, ah putain, je peux pas vous dire. Attendez, je réfléchis. Non, je peux pas. Elles sont toutes intéressantes, voilà. Mais elles sont toutes intéressantes. Mais la prochaine de la pièce sera très très particulière. Il y aura des choses que vous n'aurez jamais vues ailleurs. C'était une sacrée réponse normande. Le problème c'est que je serais dégoûté qu'il y ait un mec que vous interviewez, Alexis Moroz par exemple, qui est un très bon game designer qui a fait Prisoners et qui dise la pièce c'est bien parce qu'il y a cette énigme, tu vois. Bah ouais, voilà, c'est ça. Même tout à l'heure je l'ai dit qu'il y ait des pièces secrètes, j'ai un peu défloré le truc. Après, elles sont dans toutes les pièces, tu vois, mais effectivement, vous allez l'attendre maintenant. Et c'est cool que justement, quand on découvre ça, c'est formidable. Donc, il y a des pièces qui sont. Voilà. Je vous les ai citées dans un certain ordre. Voilà, The Game, Prisoner, It Hunt, la pièce. Voilà, c'est des bonnes valeurs. Là, vous en avez quatre au moins, sans compter Prisoners et It Hunt qui en ont plusieurs elles-mêmes dans leurs enseignes. Si vous les faites, vous avez fait des bonnes pièces. Ouais, je pense, en disant qu'il y a des pièces secrètes, je pense pas que. On sait qu'il y en a entre guillemets dans ce genre de trucs. C'est comme dire qu'il y a pas dans toutes, hein. Pas dans toutes. Mais c'est comme dire dans d'une série à suspense que il y a des twists, quoi. C'est un peu tarte à la crème parfois, mais pas tout le temps. Mais du coup, là, on va dépasser bientôt l'heure d'enregistrement. Même je crois qu'on a dépassé, si je dis pas de bêtises. Ce qui va nous amener à la dernière question traditionnelle du podcast. En ce moment, à quoi tu joues, à savoir en jeu vidéo, jeu de rôle ou même Escape Room du coup. Alors, le seul jeu vidéo que je joue quasiment, les deux jeux, c'est Dark Souls 1 et Dark Souls 2. Donc j'attends le 3 là, qui va sortir le 14 avril. Qui sont des jeux qui sont très intéressants. J'ai préfacé un ouvrage sur Dark Souls. En tant que game designer, il m'apporte beaucoup. Bon, ce sont des jeux difficiles. Très challengeants, qui sont inépuisables, même si ça reste sur la même trame, qui ont un level design extrêmement intéressant. Mais surtout, ce qui me plaît en tant que narrative designer, c'est que l'histoire, elle est pas du tout. Vous n'êtes pas nourri d'histoire, et au contraire, ils en donnent le moins possible. On est affamé de l'histoire, et on a un libre champ d'interprétation de ce qui se passe. Et d'ailleurs, je les soupçonne de même pas savoir de quoi ils parlent, mais en tout cas, l'effet est très bien maîtrisé. Donc ça joue sur ce que Stanley Kubrick appelait la part obscure de l'imagination, c'est-à-dire que on te dit pas le truc que tu veux savoir, et donc tu complètes avec ta mosaïque intérieure, et ça donne un truc qui t'appartient complètement, et c'est génial. Donc j'aime beaucoup cette licence qui a l'équilibre parfait sur plein de sujets. En termes de jeu de rôle, je suis également monomaniaque. Enfin, je suis un très grand joueur. Enfin, je suis que maître, hein, bien entendu. Je suis un très grand joueur de l'Appel de Cthulhu. Je connais sur le bout des doigts. Beaucoup de Star Wars, beaucoup de. Enfin, je fais un peu de vampire, mais là, ce que je vais faire, je vais lancer une. Alors, j'ai déjà fait l'année dernière, mais je vais le refaire cette année. Je vais faire la campagne impériale de Warhammer streamée. Ok, bon, bah, en tout cas, c'est, ça peut se suivre comme tes différentes aventures internetiennes ou interactives, tout court. Voilà. Et donc, on te remercie pour cette heure passée sur l'Escape Room. Merci. Merci. Merci encore. Et nous, on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel invité qu'on ne sait pas encore quoi, mais on va trouver. Il y a des choses qui... Et attendez, je vais juste vous dire que l'un de vous deux, alors je ne sais plus si c'est Adrien ou l'autre, qui a fait Sur les frontières. C'est Manuel. C'est un excellent jeu. Voilà, ça fait partie de la scène expérimentale des jeux qui me nourrissent, on va dire. Alors, je ne vais pas dire que je vais l'utiliser, l'exploiter contre son gré, mais voilà. Et parmi les jeux expérimentaux qui n'ont jamais eu de concrétisation, il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Sable Rouge. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, mais alors Sable Rouge, moi j'en connais plusieurs, mais pas en expérimentaux. Tu parles du jeu qui a été fait par le Grumpf. Non, il y avait L'Arme de Rouille par le Grumpf, mais il y a un. Sable Rouge, ça se passe sur Mars. Ah, bah, si, mais c'est sorti, mais c'était pas un jeu particulièrement expérimental. Enfin, moi j'ai connu un Sable Rouge qui était sorti, qui avait été fait par Willy Favre, notamment chez le 7ème Cercle, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est le Sable Rouge qui se passe sur Mars. Okay. Voilà, ben pour moi, je le lis quasiment tous les soirs. Enfin, j'en lis un petit paragraphe parce qu'il n'y a que ça. Et j'ai un grand projet un jour de faire un jeu autour de ça. Quoi, parce qu'il y a vraiment. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et il a une grande qualité. Excusez-moi de déborder un peu. Il y a une grande qualité, c'est que c'est un jeu qui présente un univers intéressant. Mais il commence cash par dire le secret de l'univers en disant voilà. Le grand méchant, c'est lui, et il est là, il faut faire ça, tu vois. Et je trouve ça super, je dis « yes », tu vois, on a un objectif, voilà, ça c'est cool. Et donc, c'est pas structuré, mais en tout cas, tu vois, tu as fait Sur les frontières, qui est un jeu très très bien, voilà, donc achetez-le, lisez-le, et ça nous donne un petit peu de, comment ça s'appelle, il faut se nourrir de ça, de cette scène papier qui nous donne la voix à tous les autres jeux, que ce soit Escape Room ou jeux vidéo. Bah, merci pour tout. Voilà. Oui, voilà, promis, on n'a pas payé pour la publicité. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, du coup, oui, effectivement, comme disait Adrien, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Ludologie. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Et puis, entre-temps, bah, continuez à jouer. Hein, essayez tout, soyez curieux. Et puis, à l'occasion, si vous êtes à Paris ou dans une ville de taille raisonnable, je crois que c'est comme ça qu'on dit, n'hésitez pas à vous inscrire pour les Escape Rooms. Et on l'a compris, plutôt le lundi matin aux aurores, si vous voulez avoir une chance d'avoir de la place. Et c'est moins cher.